Yeah. Ok. Je prends pas terrestre. Je suis un extraterrestre, tu veux savoir ce qui m'intéresse. Mettre bien la mif, c'est pas de faire le boy ou en terrasse. Je suis dans tes rêves, tu m'écoutes quand tu fumes tes raids. Et si je te raye, ça arrive à 6 du mat comme une descente du raid. Pour avoir tous mes sons, il te faut plus d'un tera. Y'a encore des sourds qui sentiront le jour où on m'enterra. 4h du mat, plongea, j'écoute de l'opéra vers l'opéra. Et t'inquiète, avec ma clique, on sait que si on fait du mal, on paiera. Des disques d'or, je dérobe. Et tu peux me voir dans Marseille en train de faire des roues, posé dans une caisse en train de faire des rimes. Et je vois la chance que j'ai quand je vois ce jeune à l'intérim. Je sais que c'est pas terrible, t'inquiète poteau, j'ai pas craqué. Toujours la classe même en claquette. Et comme je me sens traqué, je fais plus de trajet avec une plaquette. Je peux même plus aller acheter une baguette. Je peux plus faire une bagarre. Je peux plus brancher une gadget. Quitte avant de demander la barre. Moi j'ai rampé comme une barre. Dans ma tête c'est le désordre. Je peux plus aller au bazar. Je peux même plus me poser au bar. Zin. J'écris le soir sur un parking sombre. Et la concu elle tremble, elle a la Parkinson. Et je rigole pas comme Kim Jong-un. À part mon frère qui me sonne, je suis en CP jaune, couleur Homer Simpson. Je remercie le son, c'est ça qui me sauve. Mais les rends fous gros, c'est ça qui me saoule. À chaque épreuve, j'ai un nouveau jaloux qui me sort du sol. En fait, moi je suis bon qu'à faire du sol. Qu'est-ce que t'as frérot, tu saoules. Des pets sur les cuissons. Tous les jours, y'a un label qui sort. Et moi je leur fais des leçons, un peu comme Alex Ferguson. Et je me verrai pas passer sur l'art du son. 19 fois que je rappe, ouais, maintenant j'ai l'art du son. J'étais au quartier avec mon maillot de l'OM Ericsson. À 6 du mat, pas pour te ramener des croissants que Ericsson. Ma maman, je l'aime, mon papa aussi. Comme les enlève, je vois pas, c'est impossible. Ouais, poto, reviens pas me voir pour me raconter tes problèmes. La rue m'a marqué, je crois je vais mettre à écrire des poèmes. La poème, ça veut dire qu'on est heureux. On a repris le terrain, un peu comme les cutéreux. Dans la boîte à gants, un cutéreux. Je m'appelle Kerim sur Uber Eats. Ça branche des gadis comme Ribera. Ça veut percer comme Ribéry. Dans ma tête, c'est Beyrouth. J'entre dans Marseille et je grille des feux rouges. Ils ont refait les travaux, putain, je reconnais plus les routes. Tu me verras jamais sucer des gens, raconter des légendes. Viens dans le maquis, tu verras, y'a pas que la vigne qui pousse dans les champs. All eyes on me comme Tupac. J'ai des ennemis, dis-moi où ça. Et s'il faut les outils, on peut avoir tout ça. Mon bébé, elle m'a dit aussi quand elle me fait des boussas. Cristalline citron, je fais un patch V au micro. Et quand on rôde la police, nous l'évitons. Et comme dit Hobson, ici personne n'a la vidange. Pas malheureux car pour certains d'une voiture, on est la vidange. Mes disques dans ma carrière, c'est pas du bidon. Je fais pas de mi-temps, je fume, je suis distant. Pour Jean Vuitton, du père au fiston. Je perce sans piston, c'est pour les fous du béton qui veulent s'acheter des pitons. Wesh alors la zone, ça dit quoi? Moi je vais me boire un petit coup. Ici ça s'embrouille pour 10K et ça dit que ça va bien se passer. Par les événements dépassés, on se dit la chance où elle est passée. C'est déclassé, ça voulait une taffe à mal passer. J'avais le maillot Milan AC. J'ai les poumons encrassés, j'ai fait la coupe, je me suis rasé. J'ai vu la concu sur ma route. Sans faire esprit, je l'ai écrasé. Là, je suis dans les bouchons, un mec me regarde, il fait le mac. Et les potos, ils veulent se refaire, ils ont investi dans un snack. Et fais pas le fou sur les réseaux, je connais des gens qui peuvent te hack. Et moi, je suis la preuve, tu peux devenir millionnaire sans avoir le bac. Pour ceux de la Soli jusqu'au parc, pour ceux qui portent ma marque, je peux voir le bonheur, pour ça, j'irai, ouais, même à la barque. Pour ceux de Lyon jusqu'à Tourcoing, Nanterre, les Pablo, ça sert jusqu'à Bordeaux. Ce qui porte du street, faille du H-Bone. L'Orni, FTB, trentaine encore debout. Potos, je m'éloigne des gens, parce que ça porte des boules. Et je m'en bats les couilles. Je préfère un mec qui monte pas son baisse qu'un mec qui en joue. À Marseille, ça teste les calages comme marteau dans chouf. Je fais des escroqueries, ton charbon ça s'approprie. Ça veut plus braquer Franprix et ça veut finir propri. Showcase moi tu me le crie, un verre pour lever le crack. Et nique les hypocrites, je vous baisse, aïe mon cerveau craque. Je suis pas Drake, ni Kendrick Lamar. Avec tout ce que j'entends moi, je vais me faire vite la malle. Et au charbon y'a la frappe, des fois y'a des petites lamelles. Des fois y'a des petites lamelles. Je m'en fous de faire gros, vais la boulette sur ma chaussette. Je vis la nuit comme la chauve-souris, à mon pet je fais la codette. Alors je crache ma haine sur l'antipop. Un mec en manque de love te dira je préfère 10 folles que 10 potes. Marre d'être en pente de blonde. Demain je m'achète 10 packs. Et fais attention qui tu piques, car tu peux finir comme tu packs. Je viens comme tu piques, un ovni dans les RS6 break. Mon bébé me fait des briques, elle m'aime bien, je lui dis une brique. Passe-moi le brique et dédicace à Brips. Nous personne en brute, mets-moi la prod. Là je vais faire un drame, mettez-vous à l'abri. Vaut mieux que tu mettes ta famille bien, que tu investis dans des biens. Vaut mieux que tu demandes rien, fais-toi seul ton chemin. Je suis posé dans les restes, je suis pas trop sur les raises. Je traîne pas avec des fils d'eux, je préfère rester à la messe. Allez, y'a plus peur de mes potes, moi ils sont accro à la res. Je connais pas trop de potos qui ont percé à la marèse. Je suis fier de tout ce qui m'arrive. Merci bon Dieu, tous mes projets se concrétisent. Faut donner pour recevoir, faut pas recevoir pour donner. Poto, je t'ai dit, je suis pas le king, donc tu peux pas me détrôner. Je trouverai pour faire la star, souvent capuché dans le monster. Avec ma gadi le soir, sur un Ducati Roadster. Sous votre carrette, pull tagada. Au Pinel dans la Canada, moi tu sais, c'est tout pour la dar. Le sang là, t'as déconné. Montre le sang, je vais t'étonner. Tu vas descendre, frère, je parle pas japonais. Le sang, maintenant tu me connais. J'ai rien fait tout l'été. Par jour, je fume du pétou, j'entends des histoires tout péter. Est-ce que ça se fait pas pour des sous? On me dit, Joel, t'as tout pété. Merci à tous qui m'ont aidé, mais c'était, je pense plus à les fêter. Ouais, le cache-nez au charbon. En bruit, ça dessale peu bon. Ça fait le signe au Japon. Ça fait des tractions des peupons. Je suis comme toi, tous les jours j'apprends. Et tout le temps, le bonheur j'attends. Malgré les coups durs, je suis un battant. Comme ça, on t'en le réveille par matin. Bon matin, je vois la flicaille. Je vais en brosse ma sang, partir travailler alors qu'il caille. De bon matin, dans les quartiers ça taille. Que de la frappe ça ravitaille, mais ça va être fin. En ce moment que ça mitraille, ouais l'ovni il est loin du monde. Pendant que le matin il fait sa ronde. On me dit qu'être gentil ça paye pas trop de cœur, ça me tue à la longue. Et je fume la moulaga la gars, et j'ai toujours la dalle la dalle. Je donne mon amour à ma nana et je ferai tout pour ma maman. Quand j'ai fait des showcase, j'ai fait croquer quand j'étais max. Pas de permis, j'ai le XADV, mais je vais me reprendre un T-Max. Je suis toujours le même mec, et les gens ils disent que j'ai changé. Mes potos relax, je peux me prendre du Rolex, et je fais jamais le Mac. Le petit il fait TB dans le quartier. Sa mère elle lui dit rentre, dis ne moucle. Ce qui arrive, c'est ce qu'ils réfléchissent pas qu'ils font. Trop d'haine brûle en moi, comprends pourquoi j'ai le cœur qui fond. Gros t'as la tête pleine d'embrouilles. Quand t'as les poches vides, l'argent fait pas le bonheur. Mais avec tes projets se font vite. Si t'as un problème, viens, paraît qu'on habite pas loin. Tu dis aux gens que tu m'aimes pas, moi j'en pensais pas moins. Alors je suis posé vers les camoins. 2h du mat, assis dans la caisse en fumette. On regarde passer les camions. Wesh cabron, wesh mamacita. Moi je viens de la cité où tous les petits sont excités. Ils te fument si leur nom t'a cité. J'ai des douleurs au corazon, me calcule pas la dîne. J'ai vite parasite, tu me vois un reste, d'un coup tu me vois un zip. Je fais pas de manière, quand ça veut la photo, je fais marche arrière. Des hauts, des bas, des poteaux perdus, c'est ma carrière. Je construisais mon château pendant que tu me jetais des pierres. Je peux pas aider tout le monde, poteau, je suis pas la bébière en ce moment. Je m'arrête plus d'écrire, j'essaie de m'écrire, je suis au micro. Nique les gens, j'ai mis ma mif en fond d'écran, j'fais pas le gros. Pour attirer les miss, pour attirer les masses, y'a le Covid, mais on me reconnaît toujours, même sous le masque. Viens voir ma vie, le sang, tu vas serrer. J'ai percé et tout, c'est bien, mais j'ai encore la boule au ventre quand j'entends la sirène en serrage. Tu parano à la vie d'Armuerte, j'hésite à faire confiance à la femme de ménage. À chaque fois que je roule, gros mon Marocco, je le perds. J'aurais peut-être fini dans la rue ou j'aurais fait vendeur à Leclerc. J'aurais pas permis Cassos, ouais, moi j'ai le permis Cassos. Pétaroisis, bombe Cassis, laisse-moi loin des faux et des racistes. Tu fais la malade pendant que ton pote est super mal. Et quand tu vois des gadgets, t'es là, tu me fais le Superman. Un jour, je vais rentrer sur scène comme Michael au Super Bowl. T'as trop tenu de couilles, tiens le trophée de Super Bowl. Elle a un gros boule quand elle déboule et ça fait les débiles. Moi, elle rappe, c'est comme Billy Bull. À la snap, je fais des kills. Dans la vie. Faut faire des concessions, faut faire gaffe à qui tu testes. Tu peux finir à la conception. Vais-je arrêter le rap? Ça c'est une bonne question. C'est bien de faire entrer les sous, mais il faut une bonne gestion. Loin de nous, loin de vous, loin des putes, loin des fous. Je les aimais, mais leur défaut c'est qu'ils avaient une fin de loup. J'ai des ronds, quand j'ai un son, je peux faire le rond-point. Tu peux me croiser, en train de faire le signe, tranquille vers Saint-Ouen. J'ai mis moula dans le kit 4, je dédicace les vrais, ceux qui m'aiment pas qui se gâtent. Y'a les temps qui se gâtent, je le reconnais plus qui se gâte. Qui se la raconte, je réalise pas. Ça fait bizarre comme voir de traits qui se captent. J'en ai entendu des vertes et des pas mûrs. Ça fait plaisir quand t'entends qu'en tol ton pote il rase pas le mur. Ou que ton autre pote il se barrait sous les palmiers. Je représente Marseille, de la soude, de la gavotte, jusqu'au panier. Les armes ça c'est les maniers, t'inquiète moi j'ai connu. Je fais les gentils quand t'es bien entouré, après seul je fais des manières. Hein, je suis au studio, j'ai cramé le voisin en train d'écouter mon texte à la fenêtre. Et c'est très bien que moi le rap game je le pénètre. Gros c'est compliqué la vie. Faut même penser à la mort. Faut faire attention à que maman trouve pas le calibre dans l'armoire. C'est ce qu'elle m'a appris moi la rue. Elle m'a appris que tu donnes ton cul, tu te fais niquer ta mère et puis c'est tout. Tout le monde veut l'épée ses tosses. Des chiens de la casse, qu'on vient de mettre des coups de crosse. C'est taillé à Caracas. La rue m'a fait faire des bêtises à m'en vouloir. Sache que j'en boucane pas les jeunes même si j'ai du pouvoir. Si t'as fauté, c'est mort. Arrête de me chercher pour me voir. Je suis en train de jouer à la paix alors que j'ai un album à promouvoir. Ça fait voleur, vendeur, guetteur, bandeur de moto, de course poursuite, esquive, passant que les poteaux. Braqueur comme dans Chotas, trop chaud. Il reste que les souvenirs, des photos. Le passé écrasé sous la ASICS. Classique, Jules c'est magique, logique, top one. Et les bruits de couilles cogitent, trop j'dit. Bande de poteaux, je vous réconfortais pendant que dans le dos j'avais des couteaux. Petit écouteux, ils me voient grand comme une vague et je les vois petits comme une goutte d'eau. Fais de la place, on est des mecs en place. On vient de la classe moyenne, souvent dernier de la classe. Maintenant ça m'écoute dans l'Atlas. Toujours pareil, les chemises courent comme un athlète. Je veux pas me réveiller un matin, trouver ma tête sur leur matelas. Et matelas, elle veut que t'ailles la voir, elle est fiancée. Elle faisait la Beyoncé pendant que son mec Beyoncé. J'suis dans Call of, j'prends la Mac 10. Les petits ils vont braquer avec des armes factices. Pendant que les anciens au bar, ils boivent du bass 10. Y'en a toujours qui m'aimeront pas, frérot, quoi qu'ils disent. Cette vie elle est mignonne, elle a tout pour plaire. Mais elle fait que des crises de gangster à chaque fois qu'elle monte dans le monster. J'avais plein de potos, maintenant j'sais plus où ils sont. Quand on tire en rafale, mais on fait gaffe sur qui nous visons. T'as laissé tout le monde, poto, tu fais le pigeon. Tu vas au charbon pour elle, pour lui payer sa peau de vison. Et disons que la vie d'art c'est bizarre. Je revois des gens que j'aimais bien, qu'on pas changé, ça fait plaisir. La miss elle est dingue de moi, elle a les yeux bleus, la coupe au carré. J'ai mon bijou, s'il faut à l'heure qu'il est, je m'invente à Maria Carré. J'avais le cœur sur la main, ils me l'ont fait tomber. Comment je vais faire moi pour pas succomber? Ils ont rigolé, ces bâtards, à chaque fois que je suis tombé. Moi c'est Team Joe la vie, laissez m'enfermer, y tamper. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va voir ailleurs, c'est ta gadget t'a trompé. Elle aussi, à chaque fois qu'elle boit, elle croit que la boîte c'est à son père. J'ai fait des grandes choses, je me suis jamais vanté. Alors qu'ils ont rien fait, toute leur vie ils ont inventé. Moi je fais pas le fou, je suis pas ganté. Mais je vais niquer ceux qui chantaient. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la famille, la santé. Je l'aimais trop, Avec lui on a partagé le fanta. Au fait j'ai vu sa mère, elle m'a pas calculé comme si j'étais un fantôme. Et la police elle me frappait les gens comme si c'était un fantasme. Faut apprendre à être petit pour devenir un grand homme. Je vais me racheter un T-Max quand je vois des gens qui lèvent Glock et ça trempe dedans, même si t'es costaud comme Zangief. C'est rare, mais ça fait plaisir de voir des gens qui aident. Faut que je trace ma route, moi, il faut plus que maman s'inquiète. La vie c'est la courte, je vois le temps qui s'écoule. Tous les jaloux ils ont la haine parce que même leur tante ils écoutent. On s'en fout de ce que tu sais sur ses couilles. Qu'il ait des ennemis ou des flics sur ses côtes. Gros, y'a des souvenirs qui s'éteignent, y'a des frérots qui s'allument. Ici beaucoup dans leur peine, potion dans la cristalline. La vie c'est réel, y'a des potos que j'ai perdus. Et quand je fais des albums, moi, faut qu'il y ait rien qui me perturbe, il perdure. Présent la fermeture, l'ouverture. J'ai une tête, on dirait un Schmitt en couverture. Elle a braqué mon cœur, il était mieux sécurisé qu'une banque. Si j'en suis plus moi-même, donc je ferai plus aucune vente. Un gros pétou, une instru, un Québec. Tu m'aimes pas, petit fils de Nick Bebek. Dans une équipe, y'a toujours un jaloux, un qui est fort, un qui est fou, un qui est gentil, un qui est bête. Et là j'ai mal à la tête, car je fais penser, je me rappelle qu'on s'est pris la tête, mais j'ai plus qu'à c'est. Je fais mon popo en roulant, j'ai pas de séquentiel. Je me rappelle, je fais le tour de la ville, j'écoute des zik anciennes. Mauvaise année, entre le confit de le confit. Et ce daron qui fait que jurer sur la tête de son fils. Ça s'en fout des règles, ici ça respecte pas les consignes. Ils veulent nous diriger, veulent qu'on sorte de chez nous comme des zombies. Y'a des potos en zombie, je sais même plus combien ils ont pris. Tellement toujours passé en cellule, il faudrait qu'on leur passe un prix. Et on en connaît des mesquines, toi tu crois que c'est un miskin. Il reviendra en moto avec le masque de Scream. Moi j'ai pas eu mon CRP bâtiment, mais maintenant que j'ai réussi, je veux voir la mer en bas de chez moi. Mais si tu sais pas, la rue ça nique des carrières. Le tabac il s'est fait braquer, les ovnis sont arrivés par derrière. Golf 8 air, pas de marche arrière, armé comme à la guerre. Depuis petit dans le 13, ça compte du cross scooter et CBR. T'as encore des rancœurs, notre embrouille, je croyais KVR. Tu faisais le brave hier, donc je croyais que c'était R. Quand je brille au soleil, je leur fais des nuages. Pour eux, je suis bon qu'à rapper et qu'à fumer du hache. Tu piges, je pensais pas que j'allais finir riche. J'oblige personne à streamer ou à acheter mes disques. Tu piges, je me fiche de ce qu'on raconte sur mon compte. J'ai le cœur blanc, je laisse les autres couleurs pour mon compte. Tu pars de rien, j'avais pas un. Mais parle pas de l'ami parce que je t'incule même si tu fais du K1. Là, je suis calé sur le siège du Range Rover. Tu fasses pareil si c'est facile, moi je galérerai avant de me refaire. Et me teste pas, c'est game over. Et me dis pas que t'es mon frère. On t'a vu parler mal de moi au bar hier soir vers 11h. J'ai mal au cœur, frérot. J'ai mal au cœur. Tout si mes cœurs, Sancho. J'ai mal au cœur parce que ici c'est réel. Ici ça tire comme mon vertance. Que le petit dit, donne-moi un vertance. Tu le sais que pour un vertance, qu'est la plaquette. Elle a la taille d'une PlayStation, je suis en Marseille. Mais quand je tire une barre, on dirait que je suis aux Seychelles. R1000 tout noir, deux têtes casquées pour refaire la peinture. Les gens ils se mettent au rap parce que faire des sous c'est tarpin dur. Millions d'euros sur la CB, je me mets en quichot parce que j'aime. On me dit change pas c'est tarpin bien, moi je dis merci la zone. Ouais j'habitais dans le 5ème, je volais dans le 12ème. Je mangeais dans le 13ème, les filles qu'il fallait qu'on les sème, ils avaient le seum. Ah qu'elle est loin l'époque où on joue au ballon en bas du check, torse nu sous le sun. En ce moment j'évacue les soucis, je fume le pétou dans la baignoire. Le poteau ce soir, il a plangadi. Il s'est fait la coupe au séchoir. Je suis dans mon del, des fois je parle comme Tony. Comme un padré avec le peignoir. Tu fais rien de ta vie. T'iras pas loin si dans le cœur c'est noir. Et ce soir je suis à Skyrock. Et ce soir je vais tout niquer. Et ce soir je suis à Skyrock. Et ce soir je vais tout niquer. Ce soir on nique tout. Ce soir on nique tout. Ce soir on nique tout.